heure. Il est midi. C'est à minuit. Il est 3 heures du matin. C'est à 3 heures de l'après-midi. Il est 15 heures. C'est à 3 heures moins le quart. Il est 2h45. C'est à 14h45. Il est 3h15. C'est à 15h15. Il est 3h30. C'est à 15h30. Il est 4h10. C'est à 16h10. Il est 4h moins 10. C'est à 3h50. Il est 15h50.